Soul, tous les mardis de 18h à 19h. Présenté par Timothée Milton, Buddy Anton et Guillaume. Earth and Soul. Et c'est reparti pour une nouvelle émission bien pêchue, j'imagine. Bonjour, bonjour. Bah oui, pêchue comme le beau temps. Hein, on est chaud comme le beau temps. Ça va promettre. Ouais. Très chaud dans les studios d'ailleurs. Ça manque de déodorant, j'ai l'impression. J'ai ramené une douche portative. En tout cas, bonjour. Un bon week-end. Ouais, très bon week-end. Qu'est-ce que vous avez fait de beau? On a fait de la promotion. Samedi après-midi, on a fait de la promotion dans les rues de Lille. Pour l'éphémère qui commence demain d'ailleurs, on va en reparler pendant l'émission, mais c'était pas mal parce qu'il faisait super beau et puis apparemment toi t'étais à la plage aussi, hein, c'est ça, monsieur était doré la pilule à la plage, ça fait plaisir. Tu prends des pilules? J'ai mangé un petit biki à la panne. Ah sympa. Ça fait plaisir. En plus il y a le temps de digérer parce que ouais, dans de les route, bouchons, ouais. Il n'y avait pas trop d'odeur dans la voiture, non? C'était pas encore digéré donc. Il nous a gardé le meilleur pour ce soir. Ah non, ça non. Déjà. Avec la chaleur et tout, non, c'est pas possible. Ils valent des t-shirts pour suer dedans. Alors, le programme, des petites nouveautés avec le petit coup de cœur de la semaine. Une interview avec DJ Yass du label Defected. Ça fait plaisir. On va gagner un t-shirt. Enfin, il y a un auditeur qui va gagner un petit t-shirt éphémère. Parce qu'on a fait gagner la semaine dernière. On fera un petit jeu avec un appel, le 10e appel. Donc, ce sera pendant l'émission, écoutez bien. Il n'y a pas de questions cette semaine, mais il faut bien écouter quand même. Voilà, tout à fait. Après, l'agenda de la semaine. Petit agenda, hein. Oui, avec diverses soirées de la région et un peu plus loin. Oui, et puis on terminera par le petit track Remember. Un petit vinyle. Voilà, c'est ça, toujours. Bah, maintenant, on est toujours au vinyle, t'as remarqué. Hein, normal. C'est bien, c'est bien. C'est Remember. Back to Fundamentals. Les meilleures nouveautés soulful, garage et house sont dans Earth and Soul. Première news. Ça retombe un petit peu avec Adjazz. Donc le nouveau Adjazz featuring Robert Owens d'ailleurs qui vient de sortir un album et c'est à découvrir. C'est sur le label allemand Compost. Oui, c'est ça. Donc avec le titre Love Someone, le remix. Donc c'est sur le label Mantis, un titre très chanté avec le vocal, avec Robert Owens au vocal, la voix excellente à découvrir et ça sent un parfum d'été tout ça. Ouais. Allez, on écoute ça, la première news de la soirée. A job to go to today. The only thing that he could hold on to was the daily prayer he prays. Somebody somewhere's been worried about feeding their family. Two pieces of bread for 10 souls. Wow, you're a dying beast. But let me tell you, I don't understand why. is now. La première nouveauté de la soirée, c'est sympa ici, hein. C'est nature en fait. C'est Axe Jazz le titre. On se sent sous les bras, ça sent le mal ici, ça sent le mal. Allez, donc c'était la première nouveauté avec At Jazz, non pas Axe Jazz, avec Robert Owens, le titre Love Someone sur Abel Mantis Records. Si vous voulez plus d'informations, vous allez sur Google, vous tapez Robert Owens tout simplement et vous allez certainement avoir une bonne dizaine de liens, n'est-ce pas? Ah oui, tout à fait. À mon avis. Les meilleures nouveautés soulful, garage et house sont dans Earth and Soul. Earth and Soul. Tout de suite la deuxième nouveauté avec Bucky Cole and Free Radical. Attention, avec un titre Baby with the Brown Eyes. Donc oui, il a des yeux marrons, hein, pour ceux qui n'avaient pas. Qui n'avait pas trouvé le titre. Et donc, c'est un remix de, tu me disais C'est Quentin Harris, c'est le T, je sais plus si c'est. Je pense que si je dis pas de bêtises, ça doit être Todd Terry peut-être. Ok. Et donc, c'est sur le label Light Night. Alors, je ne sais pas, c'est un nouveau label aussi Apparemment, oui. Voilà, encore une nouveauté. Il y a une émergence de nouveaux labels, c'est incroyable. Beaucoup de labels digital, donc maintenant, c'est un peu plus facile de créer un label. Donc, C'est vrai, c'est vrai, c'est l'avantage. C'est l'avantage. Voilà. Allez, donc, deuxième nouveauté de la soirée. Et puis, n'oubliez pas, tout à l'heure, vers 18h30, on aura l'occasion d'interviewer DJS du label Defected, sans oublier bien sûr que vous aurez la possibilité de remporter un t-shirt des soirées éphémères. Ce sera avant 19h. We'll be right back. continue. Vous êtes au cœur de l'émission Heart and Soul depuis 18h sur la fréquence de Galaxy. On est au cœur de l'émission. Les bras levés. On va te ramener quelques sopalins. Quelle chaleur ici, c'est incroyable. Hein. C'est, on dirait un hammam. Ah, pratiquement, ouais. Alors, deuxième nouveauté, c'était sur le label Late Night. Voilà, un nouveau label, hein, comme on disait. À mon avis, je pense que c'est sur Traxsource qu'on peut. Ouais, sur Traxsource, ça download sur Traxsource. Très bien classé dans le classement des téléchargements. Lego, bien sûr. Bien sûr. Ah ouais. Toujours. Ah, toujours, on toujours. Respectez les artistes, messieurs, dames. Les meilleures nouveautés Soulful, Garage et House sont dans Heart and Soul. C'est la troisième avec un de mes labels préférés, le label Free Range, dont on avait déjà parlé ici, notamment de son boss Jimster. Donc ici avec l'artiste Motor City Soul, qui signe régulièrement sur le label et toujours avec le son bien représentatif de Free Range, avec le titre Mango et bien sûr le remix de Jimster, qui pour moi est le meilleur de Lippy. D'ailleurs Lippy est très bon avec l'original aussi, mais ma petite préférence va pour Jimster. Donc plus d'infos, www.myspace.com/freerangerecords.uk. Et sur le plus d'informations également sur le forum de Galaxy, vous pouvez retrouver bien sûr le track listing complet. C'est bien, Timothée. Oui, ça, j'ai fait mes devoirs encore. Ah, c'est top. Galaxy, troisième nouveauté de la soirée dans l'émission Heart and Soul. Heart and Soul. Heart and Soul. Heart and Soul. C'était Motor City Soul avec le titre Mango et le remix de Jim Store, hein, titre préféré d'ailleurs de Ginton, actuellement du moment en plus. Hein, pas mal du tout. Ouais, très bon. Pas mal. Ah, et, ah, je crois que c'était dans le morceau. Tiens, il s'éclate ah, avec ouais, non, un petit xylophone. Dans le téléphone. Bah, tiens, c'est Stewie, justement. Il y a du jour. Tiens, on va voir s'ils sont en direct. Bah. C'est du direct. C'est du direct. Alors, c'est du direct. Donc, si vous voulez plus d'informations sur le label, www.myspace.com/freerangerecords UK, tout simplement. Les meilleures nouveautés soulful, garage et house sont dans Heart and Soul. Heart and Soul. Alors tout de suite pour parler du quatrième track, puisque c'est le quatrième, avant on va faire une petite interlude sur les soirées éphémères, puisque ça commence demain en fait. Interlude, d'accord. Ça se dit pas une interlude? Petite parenthèse. Oh, une petite parenthèse. Oui, pour parler justement des éphémères coming qui commencent demain, donc du 7 mai au 7 juin, donc gros concept, on en reparlera tout à l'heure, mais sachant que c'est sur invitation demain soir, et puis on retrouvera DJ Yass demain et tout à l'heure pour l'interview. Alors tiens, pour ceux qui n'ont pas d'invitation, qu'est-ce qu'il faut faire pour en avoir? Alors, plusieurs endroits encore où ils sont disponibles, des magasins, il y a des disquaires, tout ça, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire. Les... Ouais, enfin, les noms, non, mais les disquaires, oui. Oui, alors il y a Hermania encore à Lille. Le mot disquaire. Ah oui, bon bah voilà, tu l'as rue dit. Rue des Pentes Communes. Je ne l'ai pas dit. Excusez-moi. Et hop, un petit chèque. Allez, hop là. Jérôme, Mathieu, si tu nous écoutes. Quelques promos. Crédit Lyonnais. Ça fait plaisir. Alors tout de suite, c'est le track numéro 4, la nouvelle. Avec Frank Roger, avec le titre Vogue, et c'est sur son label digital que vous pourrez retrouver chez Tracksource, à télécharger légalement toujours aussi, et n'hésitez pas à aller faire un tour du côté de myspace.com/FrankRoger. We'll be right back. Galaxy, quatrième nouveauté qui est avant-dernière, avant de retrouver le coup de cœur d'ici quelques secondes, c'était Frank Roger avec le titre Vogue sur son label Frank Roger Digital, disponible sur Tracksource. Les meilleures nouveautés Soulful, Garage et House sont dans Earth and Soul. Earth and Soul. Ils sont là. Et c'est le coup de cœur de la semaine. Ah, quel est-il ? Un son un peu plus péchu, on va dire. Ouais, avec l'artiste Sébastien San, le titre Rising Sun, remixé par Carl Craig. Bien sûr. Il n'y a jamais de secret avec lui. Ah. C'est sur le label Planet E, c'est son label d'ailleurs. Excellent titre, qui est playlisté par beaucoup de monde, que ce soit en house, en électro, en tout ce que tu veux. Un artiste. Même en balmusette. Ouais, même en balmusette, ouais. Charlie Oleg d'ailleurs, lui joue au piano de temps en temps. Formidable. Voilà. Et puis, sur le www.myspace.com/planetcom. Tiens, j'aurais dit autre chose, mais c'est bien, c'est soit ça, planetcom, c'est encore plus simple. Donc, pour avoir d'autres informations sur ce label, remix tout de suite de Carl Craig, c'est la dernière nouveauté, le coup de cœur de l'émission Art and Soul. We'll be right back. cœur de la soirée avec à l'instant un excellent mix de Carl Craig sorti sur son label Planet E Records avec Sébastien San et titre Rising Up. Pas Sun, mal tout, hein. Rising Sun. Très bien. Voilà. Franchement, par soleil, rapport au temps, voilà. C'est nickel, ça passe comme une lettre à la poste. Ça collait nickel. En tout cas, si vous voulez recevoir, enfin revoir, lire tout simplement le tracklisting de cette émission, bien vous allez sur le forum de Galaxy. N'oubliez pas forum.galaxyfm.com et vous allez dans la rubrique Art and Soul. D'ici quelques secondes, juste après l'agenda Galaxy, ce sera l'interview avec DJ Yass du label Defected Records. Mais petit tour quand même du côté de l'agenda Galaxy. Hein, s'il vous plaît. Ah bah tiens. Ah, ça fait longtemps que tu l'as pas fait en plus. Ouais, c'est vrai, je me suis ça dit, nous manquait. Allez, je vais le faire, je vais me dévouer. Alors, on vous rappelle tout de suite qu'il y a une exposition qui se déroule du côté du Touquet Paris Plage jusqu'au 31 août. Vous y découvrirez tout simplement les sculptures de sable géantes. Si vous voulez plus d'informations, vous allez sur le www.sculpturesdesable.com. Et puis, notre information concernant cette fois-ci la Croix-Rouge française qui organise ses journées nationales. Ce sera programmé les 16, 17 et 18 mai prochains. Sachez que les quêteurs sont un petit peu partout, notamment dans les magasins et puis notamment chez vous, à votre domicile. Donc, vous pouvez leur réserver un bon accueil. D'autres informations directement sur le site de Galaxy, www.galaxyfm.com. Sinon, tout de suite, retour à l'émission Art and Soul. Toute l'actu de vos labels et artistes préférés sont à découvrir maintenant sur Galaxy. Alors, nouvelle interview ce soir avec un de plus. Interview de Marc, puisque nous avons au téléphone, si tout va bien. Oui, je crois. Yass. Bonsoir. Ah, il est là, c'est bon. Ça, tu nous entends bien? Oui, super. Ça va bien? Oui, génial. La forme? Ça va. Bon. Beau, ah, ça, c'est la classe. Forme. Allez, c'est bon, ça. Bon, bah écoute, ça fait plaisir de t'avoir dans notre émission. On va parler un petit peu de toi, puisque c'est vrai qu'on parle beaucoup de toi, d'ailleurs, dans notre émission. Donc, c'est plutôt bon pour toi, hein. Et puis en plus bon, c'est vrai qu'en ce moment tu fais pas mal de choses à droite à gauche, donc si tu pouvais te présenter un petit peu pour les auditeurs qui nous écoutent. Merci du soutien en tout cas et de l'invite. Il n'y a pas de souci. Mais donc voilà, DJ Yass, DJ depuis 18 ans maintenant, puisque j'ai commencé à 13 ans dans ma chambre comme tous les jeunes DJ, et depuis 3 ans je suis plutôt DJ international. Je joue plus à l'étranger qu'en France. Oui. Et je produis aussi depuis 17 ans et maintenant ma musique s'exporte assez bien. Mmh. Donc voilà, plein de projets single, album, remix, donc ça c'est projet studio. Et toujours en croisade dans toute la planète pour diffuser le son que j'apprécie et que je veux faire découvrir. Ok, et il me semble que t'as commencé hip-hop, c'est pas ça? J'avais lu sur un truc, c'est ça, hein, t'étais DJ hip-hop à la base. Hip-hop pendant 7 ans. Ouais. Et je m'entraînais, j'étais très passionné de scratch et des nouvelles tendances sur la vague hip-hop qui déferlait un peu partout en France. Et juste après, j'ai commencé à découvrir d'autres sonorités. Pendant mes études, j'ai rencontré d'autres DJ qui me faisaient écouter un peu de techno et progressivement, je suis venu à la house. Okay. J'ai commencé dans tous les clubs de ma région, région parisienne, et après, petit à petit, j'ai pris les manettes de clubs assez conséquents sur Paris. Ok. Justement, par rapport à ça, t'as des résidences encore par ici, ou parce que tu dis que tu joues plus souvent à l'étranger, mais tu... Non, en fait, à part la radio FG, où j'ai une émission tous les dimanches, j'ai plus de résidence actuellement sur Paris. Okay. L'année dernière, donc la dernière résidence que j'ai faite, ça date d'il y a un an, c'était au Queen, sur les Champs-Élysées. Et depuis, j'ai plus trop le temps parce que je suis pratiquement tous les week-ends de deux ou trois pays différents, plus quelques dates beaucoup pour défectifs, donc ça fait, c'est pas vraiment une résidence, mais c'est vrai qu'on m'envoie à droite à gauche. Ouais. Et j'ai du mal à répondre aux demandes que j'ai sur Paris, en fait. Ouais, tu m'étonnes. Et par rapport à tes productions, alors un petit peu, t'as des choses un petit peu à nous dévoiler, des petites Là je suis en train de finir un album qui verra le jour après la sortie des premiers singles sur Defected. Ok. Et j'ai deux nouveaux remixes pour cet été je les ai pris pour me faire plaisir, on va dire, parce que c'est plutôt des kiffs. Je reçois beaucoup de demandes de remix et puis bah je m'arrête sur des coups de cœur de temps en temps. Et là il y a un morceau de Ina Yadé, une chanteuse que j'aime beaucoup, donc j'ai décidé de le remixer. Et un remix Afro House, une source originale africaine que je remixe pour le label Papa Recording. Ok, ouais, donc on joue pas mal de morceaux de ce label là. C'est toujours tous les mois, il y a une sortie tous les un mois et demi à peu près. Ok. Justement, est-ce que tu te sens plus à l'aise en studio ou derrière les platines? Pour toi, c'est carrément quelque chose de différent ou c'est quelque chose de complémentaire? Forcément, moi je trouve ça complémentaire. Je me sens à l'aise dans les deux univers, mais si je devais choisir, je me sens plus à l'aise aux platines. Grâce au côté live, ça me permet de m'exprimer plus naturellement. Et en même temps, le studio me permet de me retrouver et un peu canaliser mon énergie de manière positive. C'est plus studio, on va dire. Bien que le DJing, c'est devenu c'est un côté assez professionnel, parce qu'il y a quand même une rigueur dans le métier. Mais comme je fais ça depuis tellement longtemps, c'est devenu naturel. J'ai l'impression de m'amuser, quoi. J'ai pas l'impression de travailler. On a vu ça du côté de Miami. La conférence, tu as fait un peu un marathon d'ailleurs, on t'a vu un peu partout. Et on a vu ça, tu prenais ton pied. Ok, j'ai participé. Ouais. Ceux sur lesquels on s'est vu, c'était cool. J'ai vraiment apprécié. Ouais, c'était cool. Ça fait plaisir. Et tu penses quoi, toi, justement, de cette scène house actuelle, un petit peu ce qui se passe au niveau au moins des artistes français, mais aussi bien à l'étranger? Comment tu vois les choses, les évolutions? Tu penses que ça revient un petit peu ou... Moi, je reste toujours positif, quoi qu'il arrive. Ouais. Je veux aller de l'avant, mais c'est vrai qu'il y a un côté plus probant où je trouve qu'il y a des parties de la scène club en général et house qui est un peu trop éclatée à mon goût. Où on retrouve une scène électro qui soit un peu des autres styles qui exploite la tendance de façon commerciale ou soit super underground. Je trouve ça un peu dommage qu'il n'y ait pas des ponts entre plusieurs styles dans cette scène. Mais sinon je vois aussi une scène soulful qui des fois un peu désemparée par la baisse de qualité des prods. Moi je pense que c'est dû à la situation économique du marché du disque, il y a un manque de renouveau aussi. Il n'y a plus beaucoup d'argent pour pouvoir faire des grosses prods de qualité. Alors ça tourne un petit peu en rond, chacun prend l'idée de l'autre et la remanie avec un son différent. Mais en même temps, j'espère faire une critique constructive. C'est pas pour dénigrer, mais ce qui me rassure, c'est moins du côté des producteurs et plutôt du côté de l'audimat. Je trouve qu'il y a une vraie reconnaissance du public un peu partout dans le monde grâce aux voyages et aux appréciations que je reçois à droite à gauche. On se trouve que ça soit de la part des vrais amateurs de musique, mais aussi des jeunes qui arrivent. Ils arrivent à faire la différence entre ce qu'on leur sert en mainstream et en musique commerciale et les producteurs de qualité qui sont dans l'ombre et qui parfois font leur maximum pour amener de la bonne qualité, que ça soit en house, soulful, électro, techno. Je pense qu'il y a partout dans le monde, il y a des gens qui apprécient, qui savent le reconnaître. Donc je pense qu'il y a de l'espoir. On l'espère aussi, c'est un beau petit message que tu viens de nous laisser là justement. Et vu que tu bouges pas mal, t'as une préférence dans les pays dans lesquels tu as joué? Préférence, j'adore les pays de l'Est. Ça c'est vraiment. Les filles, hein. J'adore les pays de l'Est parce qu'il y a une énergie qui est fraîche, émergente moi ça me fait du bien, ça me fait voyager. Alors ça me donne plein d'espoir pour les faire voyager à mon tour. Je me lâche dans mes sets, je fais d'autres choses, même si parfois ils sont moins habitués à des codes et des formatages club qu'on retrouve chez nous dans les pays de l'Ouest ou aux États-Unis. Il y a cette énergie, les gens dansent, ils sourient, donc on peut construire ensemble, même si le format est pas toujours le même qu'on connaît chez nous. Après, partout où il y a des bons clubs et des gens qui sourient et qui dansent. Ouais, c'est ça. C'est ça qui fait le plus plaisir. Ouais, bah, en plus, on te voit sur ton MySpace, tout ça, ça tourne beaucoup pour toi. Enfin, tu joues vraiment. On peut peut-être rappeler justement l'adresse MySpace de Yass, hein, pour ceux qui sont sur Internet en ce moment. Oui, bah c'est. Vas-y, je te laisse dire ton adresse. www.myspace.com/djyassforever. Okay. Fort avec un 4. Ok. Forever. Bah c'est super. Et puis bah justement par rapport à toute cette musique, tout, tu nous parles depuis tout à l'heure, tu dois avoir des influences ou tes artistes plus ou moins préférés, ce que tu vraiment aussi bien des vieux artistes que des artistes actuels. Parce que moi je suis assez conservateur dans mes choix perso, oui. Tout ce qui m'influence. C'est vrai que je préfère rouler sur les traces des anciens que je respecte énormément, tels que Kerry Chandler, DJ Deep, Todd Terry, KOT, je suis un grand fan des classiques de l'époque. Feliciano, aussi Dennis Ferrer qui est un peu plus récent, les Masters at Work, ça c'est évident pour moi, c'est le groupe qui a visité tous les styles de musique, que ce soit de l'afro, jazz, du hip-hop, et qui l'a formaté dans un format club, je l'ai appelé House. Pour moi ils ont fait un peu le tour du monde et c'est bien parce que du coup je pense qu'ils ont influencé beaucoup de gens. Mais aussi j'aime écouter des nouveaux talents tels que Quentin Harris ou des jeunes. Des fois je reçois des démos, je tombe par terre. J'hallucine, il y a dans plein de villes, que ça soit en province, que ça soit en Afrique du Sud, partout, des fois je reçois une petite démo et il y a tout ce qui va, quoi. C'est pas forcément tous les réglages et le son des gros studios, mais il y a la vibe, il y a l'énergie, ça fait danser, c'est ce qui compte, quoi. Très bon ça. Est-ce que tu as un titre particulier en ce moment que tu peux pas lâcher au niveau de tes sets, que tu es obligé de jouer à chaque fois? Mon dernier, My Only. Ouais, bah, enfin, les remix. C'est pareil aussi, je le garde souvent. Après la conférence, j'avais bien aimé le copyright et Mr. V. Ouais. Le remix de Jimster, donc je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont. C'est super deep. Ouais. Et je trouve ça assez efficace. C'est deep et efficace. Donc ça va à l'essentiel, j'ai bien aimé. Okay. Bon, sinon, il y en a d'autres, mais là, comme ça, je n'ai pas en tête. Ok. Bah, on va bientôt terminer l'interview, mais en tout cas, on aimerait bien justement, éventuellement, pour les auditeurs qui nous écoutent, il y a plusieurs choses qu'on voudrait que tu dises, genre un petit coup de cœur, je sais pas si tu as un petit coup de cœur à dire à nos auditeurs. Ou nos auditrices. Ou nos auditrices, bien sûr. Parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs. Il les tient, Guy, il les tient. Je viens dans la région demain. Oui. Du coup, le coup de cœur, ça serait de les voir en masse et avec le sourire et qu'on fasse la fête ensemble. Bah, j'espère bien. Et le coup de gueule, c'est pour tous ceux qui restent chez eux et qui sont trop fatigués et qui se sentent blasés. Voilà. Bah, ça, c'est dit. Bah, justement, on te retrouve donc justement du côté des éphémères. On en parlait tout à l'heure. Éphémère Clubbing qui se trouve au Zena Lounge à Courtrai. Donc, tu joueras une bonne partie de la soirée. Donc, ça fait plaisir parce que je pense que c'est une des premières fois qu'on te voit par ici. Hein. Oui, j'avais joué il y a longtemps en résidence au Pulp vers Tournée. Ah ouais, okay. Quoi. Avec Martin, il y avait Rourke, Martin, ouais, et Paul Johnson, 2-3 personnes avant que ce club ferme. Oui. et c'était des super souvenirs pour moi parce que je pouvais vraiment dans la région jouer ce que j'aime. Et je trouve qu'il y a une super ouverture déjà dans le nord de la France et du côté de la Belgique, tout ce côté frontalier, je trouve ça énorme. Ça fait longtemps maintenant, donc je sais pas comment ça a évolué. On n'a pas tous le même discours, malheureusement. Non, mais on essaye justement de travailler pour rester sur un bon souvenir. Ouais. Bah, j'espère j'ai l'impression que... qu'il y avait quand même des gens qui avaient une bonne culture. Et bon. Bon, je pense que demain tu garderas un bon souvenir puisque il y a vraiment beaucoup de monde de prévu, donc à mon avis tu vas pouvoir te faire plaisir. Donc ça, ouais, c'est tout faire pour. Ça fait plaisir. Bon bah voilà, et une chose à rajouter, cher ami. Bah, une petite question piège, non? Ah, question piège, on a préparé un petit jeu. Question piège ou alors le guet-apens? Le quiz. Allez, le quiz. Présenté par Timothée Milton, Guy Hinton et Guillaume. Dancehall. Le quiz de Oui, c'est un nouveau jeu. C'est le jeu Si tu devais. Donc, c'est un peu pour caractériser autour de, bah, de toi, ta personne en elle-même. D'accord. Donc, on a des petites questions. Donc, tu auras droit à chaque fois à une réponse sur les deux. Donc, en gros, si tu devais partir dans une île, parce que d'ailleurs, à mon avis, je pense que ça t'arrive souvent, qu'est-ce que tu préférais prendre ? Alors, tu as deux choix. D'accord. Premier choix. Attention, attention. Ta petite amie. Okay. Ou t'as le deuxième choix, qui est un peu plus au niveau de la musique, ta valise de CD. Ah ah. Alors pour une fois, j'aimerais prendre ma petite amie. Ouh. Sans ses CD. C'est pas mal, c'est pas mal. Ensuite, si tu devais être une star de cinéma, tu serais plutôt Georges Clooney ou Fabrice Luchini? Alors Georges Clooney, c'est un peu pour le côté classe, beau gosse. Et Luchini, c'est un peu vraiment pour le côté très intelligent et qui ressort... Artistique. Et gentil. Et sympa. Non, et je vais plutôt rêver Georges Clooney. Ah, ah, ah. Quoi, tu as l'air de dire que tu n'as pas le physique de Georges Clooney. Je suis sûr non, que pas tu... vraiment. En même temps, bon, ça peut servir. Si tu devais être un grand sportif, tu te verrais plus en Chabal ou en Henri? Chabal avec la longue, les longs cheveux, la longue barbe parasée depuis 3 ans. Ah, je crois que je prendrais plutôt Thierry Henri. Ah ouais, je me doute, je savais que t'allais répondre ça. Si tu devais choisir un artiste, Tony Humphries ou Larry Evan? Levan, pardon. Ah, c'est pas évident là. Bah, Larry Levan. Moi, je suis très pote avec Tony Humphries, et j'adore ce qu'il fait, mais c'est vrai que si je peux ressusciter Larry Levan, ça ferait plaisir à beaucoup de monde. Un grand kiff pour tout le monde. C'est clair. Et enfin, dernière petite question. Si tu devais changer de région, puisque tu es de Paris, tu préférais Lille avec toute la chaleur humaine et puis, puis les ch'tis et le magnifique temps. Enfin, en même temps, Paris, au niveau du temps, je pense qu'on est, plus ou moins pareil. Oh, c'est kiff-kiff. Ouais, hein, c'est kiff-kiff. Ou Marseille. Lille, bien sûr. Ah, ça fait plaisir. Ça bonne réponse. Plaisir, et la semaine prochaine, il s'en va mixer à Marseille, donc il dira Marseille. Voilà, exactement. Non, je pense pas. Bon, bah c'est super. Bah, en tout cas, merci d'avoir répondu. Merci à toi, Yass. Merci à vous pour l'invite. Il n'y a pas de souci. Puis bah, on voit demain soir derrière les platines du côté de Fermat Club. Avec un maximum d'auditeurs, j'espère. Mais j'espère bien. Mais à mon avis, je pense que ça va le faire. Bah, tout de suite, on va écouter l'un de tes titres, justement, qui t'a sorti il y a quelques temps sur le label Purple Music avec le titre I Am Free. Donc n'hésitez pas, tu peux reparler peut-être de ton MySpace pour les auditeurs qui viennent de nous prendre à la radio. Oui, alors vous êtes bienvenus pour communiquer ensemble sur le myspace.com. Oui. DJ Yass Forever. For 4 Weaver. Voilà, ok, super. Merci à toi. Merci à toi, puis à demain alors. Merci Yass, bonne soirée. Ciao. Ciao. Turn back from darkness and look towards Avec un instant une production originale de DJ Yaz qui était avec nous en direct depuis 18h30 avec le titre I'm Free. Très bien. S'il vous plaît. Sur le label Purple Music. Purple, c'est un label suisse, je me souviens. Ouais, petit suisse. Petit suisse. Le meilleur du clubbing et l'agenda des soirées, c'est tout de suite dans Heart and Soul. Heart and Soul. Alors justement, si ah oui. vous n'avez aucune idée. Il y a pas mal de choses à faire là, hein. Encore une fois, c'est encore un gros week-end et encore le dimanche en plus aussi, puisqu'il y a le lundi de Bangkok, donc c'est un truc de fou. Donc il y a des soirées mercredi, jeudi. Là on n'a pas noté, mais mercredi, vendredi, samedi, dimanche. Et allez-y. Eh ben, il y en a qui vont être crevés. Comme de par hasard. Comme de par hasard. Donc on commence tout de suite avec un festival qui se tient du mercredi au dimanche, si je ne m'abuse, avec les Nuits Sonores du côté de Lyon. Chaque jour, une grosse programmation avec plusieurs scènes différentes. Je vais juste vous citer quelques noms qui seront présents là-bas. Laurent Garnier, Agoria, Joris Vorn, Fabrice Ligue, Underworld, Roy Ayers, Denis Ferrer, Henrik Schwartz, tout ça du côté de Lyon. Ça se passe un peu dans le centre et dans diverses parties de la ville, dans un cadre Lyon, c'est une très belle ville. Ça fait du mal. Donc ceux qui sont dans le coin ou qui savent pas quoi faire de leur week-end, si vous faites le pont, n'hésitez pas. Avec le ID TGV, c'est pas très très cher pour vous rendre là-bas. Donc en plus c'est gratuit, donc faut y aller. Ah bah voilà. Ça c'est premier plan, bien sympa. Ouais, plan, voilà. Ça c'est pas mal. En plus avec le beau temps et tout, ça va être bon. Ah bah on en a parlé, on reparle vite fait. Éphémère clubbing, donc l'inauguration sur invitation demain avec DJ Yaz et les résidents, donc au Zena Lounge à Courtrai-Potelberg. Et d'ailleurs justement sur le track Remember, d'ici quelques instants, on aura l'occasion d'offrir un deuxième t-shirt des soirées. Exactement. Ensuite on part vendredi du côté de Paris avec Jérôme Pacman qui sera du côté du Bataclan. La soirée 5 Beats avec Manu, DJ Deep, on en parlait d'ailleurs tout à l'heure, DJ Deep, Grégory et Frank Rogers qui seront en June, donc à Paris. On part maintenant du côté de l'Angleterre, à Greenwich, avec le je sais plus comment le truc horaire là, je sais plus comment c'est. Ça c'est dit. Ah, GMT, Greenwich Mean Time. Ouais, c'est ça, voilà. Voilà, c'est ça. Avec Moby qui sort son album et qui fait sa soirée de lancement de l'album avec donc Moby en live, Milo et aussi Trent Moller. Alors maintenant c'est samedi 10, on va retrouver Jamie Lewis et Yas, encore une fois, il fait encore une fois un marathon au Bobino Club, et là c'est du côté de Paris. Ensuite FMR Clubbing avec justement l'inauguration officielle. Donc là, c'est là. Mercredi c'est plus ou moins VIP puisque c'est sur invitation, et là c'est vraiment tout le monde peut y aller. L'officiel voilà. Opening party. Avec donc les résidents du samedi, à savoir Teda Nixon, Nathalie, Laurent Mishkind et notre ami Julien Conem. Et toujours du côté du Zena Lounge à Courtrai-Potelberg. On va retrouver aussi Marc Farina, James Curd, Marco Carola et Chateau Flight. Et donc ça, ce sera du Chateau. Chateau Flight. Chateau. Et ce sera du côté de la fabrique à Londres. Et on revient sur Paris avec la soirée Love Sensation au June avec Rourke, Lady Bird, Nicolas Vautier et Rachel Claudio. Alors après samedi, il y a dimanche, puisque il y a aussi dimanche car lundi c'est férié, il y a la soirée Sunnyside Up, excusez-moi, avec Marc Farina, Raoul Etino, et donc là c'est du côté du silo à Louvain. Voilà. Et on finit on termine donc, encore une fois. FMR Clubbing, puisqu'on aura une aussi dimanche. Et oui, avec un gros artiste qui vient. Notre ami Sven Vanis, qu'on a déjà reçu ici en interview et dont on a beaucoup parlé. Ouais, voilà, c'est ça. Avec les résidents, Timothée, Milton, Stewie M. Donc, du côté du Zena Lounge pour clôturer le week-end en beauté. Et puis ce sera une soirée en entrée gratuite aussi, préciser. Ah ouais, donc préciser ça fait plaisir. On a un gros artiste et puis c'est l'entrée gratuite, c'est la fête. Il va faire chaud, il va faire beau, enfin c'est magnifique. Il y a du pain sur la planche au niveau exactement, soirée. Exactement, les gens vont pas. D'ailleurs, faire... on n'a pas dans le studio du pain pour ouais, bah, habituellement, vrai, parce que d'habitude Guillaume arrive, il faut le savoir, avec son pain. Il fait les courses avant de venir. Bientôt il y aura un sac au champ à côté. Salopard, j'ai été démasqué. Tu veux un pain? J'ai une ficelle. Ah bah, il fait chaud, une ficelle, c'est bien. Oui, une petite ficelle. Ah bon, allez, on offre un petit t-shirt. Bah oui, pendant qu'on envoie le Tracking Member. Donc, 10e appel. Dixième appel pour remporter le t-shirt éphémère. Voilà. C'est quelle taille On en a plusieurs, on en a pour filles, on en a pour garçons, tout dépend de ce qu'ils appellent. Tous les sexes sont bienvenus au téléphone. Voilà, tous les sexes sont bienvenus. Préférence une demoiselle, ça ferait plaisir. Mais bon, après, c'est à vous de voir. En tout cas, c'est le dixième appel, donc 03 20 83 57 57. Pendant ce temps-là, on va s'écouter le track Remember avec Vénus, un vieux titre de chez Vieux Titre, le titre Sunshine People. Vénus, ça cache quelque chose au niveau des. C'est une planète, c'est tout ce que je peux dire. Voilà, donc le titre Sunshine People. Remixé et c'est sur. Par Grégory. Ils sont chauds, ils sont chauds, ils sont chauds là. Ouais, et c'est sur le label Versatile, un label parisien. Donc pour le track Remember, là, n'hésitez pas à appeler 03 20 83 57 57 pour le t-shirt éphémère. Présenté par Timothée Milton, Guy Anton et Kyo. Earth and Soul. Souvenir à l'instant. Ah, Ça me rappelle toute ma jeunesse, ça. Ça donne le sourire. Ah, mais carrément, hein, Sunshine People, bah forcément. Versatile, en recurrence, c'était le souvenir de la soirée. Il n'a plus pour le t-shirt éphémère. Il était remporté par un habitant de Vervic qui s'appelle Sébastien et qui était le revainqueur d'être arrivé dixième au sommet de Grécy. Il y a eu de la chance parce que ça a quand même bien cartonné ce soir. Ah ouais, non, franchement. Enfin, merci pour ton appel, ça fait plaisir. Et puis, tu repars avec un t-shirt éphémère, ça fait plaisir aussi. C'est sympa. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup, finalement, hein, des c'est t-shirts éphémères. C'est collector. C'est collector. Un peu comme les chaussures de Guy. Voilà c'est ça. Spécialement designed pour Eganton. Voilà. Exactement. Bon, et ben ça y est, on est dans les temps. Eh hein. Ben oui, pour une fois, nous terminons à 19h, plus ou moins. Hein. Bien, bien, on peut peut-être rappeler les liens essentiels bien de sûr. L'émission, des soirées, etc. Tout à fait. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour du côté du MySpace, laisser des messages, tout ça, au myspace.com/earthandsoulsound. Sur le forum de Galaxy aussi pourquoi pas. N'hésitez pas. Si vous avez des requêtes à nous faire parvenir. Sur la prononciation, par exemple, je ne sais pas. forum.galaxyfm.com. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Tu penses c'est bien. Hein. Bah, tu penses à quelque chose d'autre, toi, Guillaume? Bah, écoute, non, je prépare le top horaire. Ah, le top horaire. Je sens horaire. Que tu vas préparer un petit Rick L derrière. Ah oui! Ah oui! À peine 3 kicks, il a déjà reconnu. Voilà. C'est la petite basse qui fait tout, je crois. Ah, c'est ça. Hein la semaine prochaine, une interview de Fabrice Ligue pour les auditeurs qui souhaiteront en savoir plus sur l'artiste. On prévient à l'avance. Donc ce sera Fabrice Ligue à l'interview la semaine prochaine. Très voilà. Bien. Et si vous voulez plus d'informations donc sur l'émission, bah, n'oubliez pas, hein, vous pouvez aussi nous appeler par téléphone 03 20 83 57 57. N'hésitez pas. Et puis, je crois qu'on a tout dit. Hein. On a tout dit, puis on se quitte dignement. En espérant que la semaine prochaine, le temps sera pareil. Voilà, ça nous motive encore plus. J'espère. Bah oui. J'espère. En tout cas, passez tous une bonne semaine parce qu'il y a de quoi faire. Allez dans plusieurs endroits, il y a de quoi faire, vraiment. Tout est ouvert, c'est la fête. Pour les clubbeurs, c'est votre fête cette allez. Semaine. Allez, allez bonne semaine à tous. À bientôt. Salut. Galaxy. Out of time. Out of time.